samedi le 26 juin, bienvenue à ce journal de la mi-journée dont on voici les grands titres. Des personnes ont été tuées dans la nuit de ce vendredi à samedi au village 3 de la commune Gihanga de la province Bouvanza. L'un des corps a été trouvé au cimetière de la 15e avenue de ce village et l'autre à la 7e avenue. Des hommes victimes de violences basées sur le genre de l'association Hommes en détresse Evran en commune Kayanza trouve qu'une mauvaise interprétation de certaines lois régissant l'égalité des genres entre hommes et femmes chez certaines femmes est la cause majeure de ces violences. Le Conseil des ministres tenu mercredi de cette semaine recommande aux experts ayant élaboré le projet du mémorandum d'entente entre le gouvernement du Burundi et celui de la République démocratique du Congo portant sur la construction du chemin de fer section Gitega-Bujumbura ou Villa Kindu, de préciser que ce mémorandum rédigé en langue française. Eric Ouimana sur la mise en onde. La présentation est avec Cornel Amoucho. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Le Conseil des ministres tenu mercredi de cette semaine recommande aux experts qui ont élaboré le projet de mémorandum d'entente entre le gouvernement du Burundi et celui de la République démocratique du Congo portant sur la construction du chemin de fer section Gitega-Bujumbura ou Vira Kindu de préciser que le dit mémorandum rédigé en langue française. Prosper Nahogwamiye, secrétaire général de l'État, rappelle que l'objectif de ce mémorandum est de définir les mécanismes de collaboration pour la mise en œuvre de ce projet. Le gouvernement du Burundi, de la République unie de Tanzanie et de la République démocratique du Congo, soucieux de développer le secteur des transports par le rail, ont initié un projet de chemin de fer Uvinza-Musongati-Gitega-Bujumbura-Uvira-Kindu. Ce projet de chemin de fer est le résultat du mémorandum d'entente tripartite entre ces trois pays. Cette ligne ferroviaire qui va se connecter à la voie ferroviaire existante Dar es Salaam-Uvinza va offrir au Burundi et aux autres pays frontaliers l'accessibilité au port de Dar es Salaam et faciliter leur importation et exportation des marchandises. Le présent projet de mémorandum d'entente qui porte sur la section Gitega, Bujumbura, Uvira, Kindu a été élaboré par des experts burundais congolais sous la coordination du secrétariat exécutif du corridor central. L'objectif de ce mémorandum est de définir les mécanismes de coopération et de collaboration pour la mise en œuvre de ce projet. Après échange et débat. Le projet a été adopté avec la recommandation de préciser que le mémorandum est rédigé en langue française. Le Conseil des ministres en a profité pour recommander la relance du projet de réhabilitation du pont reliant le Burundi et la République démocratique du Congo à partir d'octobre 1. Page sécurité à présent, de personnes ont été tuées au cours de cette nuit au village 3 de la commune Gihanga dans la province Bouvanza. L'un des corps a été trouvé au cimetière de la 15e avenue de ce village, visiblement abattu à la machette selon les témoins sur place. L'autre corps a été trouvé à la 7e avenue, apparemment tué à l'aide d'une grosse pierre sur la tête, selon la même source. Les habitants du village 3 disent avoir entendu des cris au cours de cette nuit, mais qu'ils ne sont pas parvenus à savoir de quoi il s'agissait. Au niveau de la police et de l'administration, l'on indique que les enquêtes sont en cours, mais précise que les victimes étaient des voleurs qui tentaient de piller dans certains ménages de ce village. Les agents communautaires de la santé animale en province Changzhou doivent commencer dans l'urgence la mise en œuvre du projet de stabilisation du cheptel en province Changzhou. Cette recommandation est sortie d'une réunion organisée à l'intention de la population de la commune Changzhou de ce vendredi. Dans cette réunion, bien que le conseiller juridique du gouverneur a montré le bien fondé de l'élevage à domicile, certains intervenants ont parlé de la pauvreté des éleveurs ruraux de Changzhou, incapables de construire des étables modernes. Raymond Modende. Le projet d'élevage à domicile en province Chankouzo doit impérativement commencer d'ici octobre prochain, comme c'est le cas dans d'autres provinces du pays. Cela a été révélé à la population de la commune Chankouzo par le conseiller juridique du gouverneur ce vendredi. Des éleveurs ont essayé d'expliquer qu'ils ne sont pas préparés à ce projet avant ça qu'il n'y a pas eu de sensibilisation. Par ailleurs, selon toujours l'avis d'autres intervenants dans cette réunion, certains ménages ruraux ne sont pas capables de construire des étables modernes et de planifier convenablement une alimentation du bétail à domicile. Ces arguments ont été jugés non fondés par Silas Nimbona, conseiller juridique du gouverneur à Chankouzo, qui a expliqué que cette loi date de 2018 et que nul n'est censé ignorer la loi. Par ailleurs, selon toujours ce conseiller, l'élevage à domicile va diminuer les conflits entre éleveurs et agriculteurs et apportera une valeur ajoutée à l'agriculture suite à la FIMIR. Au moment où des agriculteurs de Chankouzo ont demandé à l'honorable Alodine Yonguru, présente dans cette réunion, d'aller plaider en leur faveur pour retarder la mise en application de cette loi à Chankouzo, cet élu du peuple leur a expliqué que cette loi ne sera pas retardée pour Chankouzo seulement parce que beaucoup d'autres provinces ont déjà commencé la stabilisation des animaux domestiques. Des animateurs communautaires de la santé animale ont été plutôt recommandés d'accompagner les éleveurs dans la construction des étables modernes et la planification des plantations de tripsacum pour l'alimentation du bétail. Et la province de Chankouzo figure parmi les 5 autres provinces du pays qui n'ont pas encore mis en œuvre la loi portant stabilisation permanente et l'interdiction de la divagation des animaux domestiques et de la basse cour au Burundi. Depuis Chankouzo, Réumo Mudende, Radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. La Banque nationale pour le développement promet aux investisseurs des crédits à des taux réduits de 24 à 8% pour des projets d'intérêt communautaire. C'est une promesse faite lors d'un voyage d'affaires des investisseurs burundais organisé par l'Agence pour la promotion des investissements dans les provinces de Kayanza, Ngozi et Gitega à la quête des opportunités d'affaires dans ces 3 provinces. Pendant ce voyage, ils ont collecté plus de 30 millions destinés à l'aménagement des sites de Tambour de Gishora, commune Guiheta de la province Gitega, fidèle d'Antoine Saïman. Certaines usines de transformation agroalimentaire de la province de Ngozi connaissent des difficultés financières qui les empêchent de fonctionner normalement. Et Pipo de Baranikwa, gouverneur de la province de Ngozi, qui le confirme, si plus des investisseurs d'appuyer pour la relance des travaux de ces usines. Si ces usines pouvaient être financées, les cultivateurs en bénéficieront. Vous, investisseurs, vous êtes intelligents, vous avez de l'argent. Investissez-y pour consommer l'eau. Face à ces difficultés de financement, Jéroboam Dikobanyan, chargé de clientèle et coordination des agences à la Banque nationale pour le développement BND, révèle aux investisseurs que les taux d'intérêt sont réduits de 24 à 8% pour des projets d'intérêt général. Vous savez que le taux d'intérêt allait juste à 24%, mais avec le gouvernement actuel, pour un citoyen qui a un beau projet comme ceux que vous avez évoqués, l'intérêt peut diminuer à 8% ou en dessous. C'est ce qui a été dit lors d'un voyage d'affaires des investisseurs organisé par l'Agence pour la promotion des investissements, API en sigle, dans les provinces de Kayanza, Ngozi et Gitega. Désiré Mouchalitse, directeur de l'API, se dit satisfait des issues de ce voyage. Vous avez vu que dans toutes ces provinces, les gouverneurs ont montré des opportunités d'investissement. Les investisseurs aussi ont vu que même à l'intérieur, il y a des opportunités qui puissent les attirer pour leur intérêt et l'intérêt du pays. Au cours de ce voyage d'affaires, les investisseurs burundais ont pu collecter une somme de 30 millions alloués au réaménagement du site d'Otambo de Gishora, commune Guiheta de la province Gitega. Ce voyage d'affaires de 2 jours avait commencé jeudi à Kayanza pour se clôturer le soir de ce vendredi au chef-lieu de la capitale politique. À 13h06, le journal continue sur Isanganiro. Une mauvaise interprétation de certaines lois régissant l'égalité des genres entre hommes et femmes chez certaines femmes est l'une des causes des violences basées sur le genre que subissent les hommes. Tels sont les propos des hommes victimes de ces violences qui sont regroupés au sein de l'association Hommes en détresse, œuvrant commune Kayanza. Gilbert Nyandoui, administrateur de la commune Kayanza, demande aux victimes des violences faites aux hommes de recourir auprès de l'administration et des organisations en charge de la défense des droits de l'homme. Le point avec Patrick Senghiyumba. Comme l'indique Boniface Ndouimana, représentant de l'association Hommes en détresse, le problème lié aux violences faites aux hommes est une réalité bien que les victimes n'osent pas le décraler. Il fait savoir que c'est dans cette optique que cette association a vu le jour afin que les victimes de ces violences basées sur le genre faites aux hommes trouvent un moyen plus ou moins efficace de porter loin le mal dont ils souffrent dans leur famille. Le rapport rendu public au début de cette semaine par la représentation de l'association Hommes en détresse fait état de 43 hommes qui ont subi des violences de différentes natures dans leur ménage. Le même rapport montre que ces violences sont essentiellement de type psychologique, économique ainsi que physique. Certains des hommes victimes des violences basées sur le genre contactés nous ont indiqué que, outre les femmes qui violent leur mari à cause d'une mauvaise interprétation de certaines des lois régissant les gardiens des jalles, d'autres, en cas de conflits familiaux entre les couples mariés, plaident pour le divorce afin d'accéder facilement au partage des biens de la famille. Ces hommes regroupés au sein de l'association Hommes en détresse et en même temps victimes des violences basées sur le genre faites aux hommes demandent au gouvernement burundais de revoir certaines des lois du code de la famille, surtout celles liées à les mariages à combinaison des biens et mariages à séparation des biens. Gilles Nyandui, administrateur de la commune Kayanza, demande à ces hommes victimes des violences basées sur le genre à se confier en cas de conflits familiaux à l'administration et aux autres organisations qui peuvent intervenir dans la résolution de ces conflits-là. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiyumva pour la radio Isanganilo. Merci Patrick Nsengiyumva. La pauvreté a un impact négatif plutôt sur la résolution pacifique. Propos du professeur d'université Aloïse Misago ce vendredi en Ngozi. C'était lors du lancement d'une série de conférences centrées sur la tolérance, la paix et la réconciliation menant au développement durable organisée par l'Église catholique. Suivez professeur Aloïse Misago au micro d'Apollinaire Muzagara. Nous organisons de telles conférences dans l'objectif de favoriser une société de dialogue, une société dans laquelle on va résoudre les conflits, non pas par la force, mais par le dialogue. Est-ce que cela est possible? Moi, je fais confiance dans la capacité des Burundais à se réconcilier et entrer en dialogue les uns avec les autres. Et en fait, on pose mal le problème. On croit que le problème, c'est un problème ethnique. Les différentes composantes de la société burundaise n'ont vraiment pas de problème fondamental entre eux. On constate qu'il n'est pas possible de mieux vivre si on est tout le temps en conflit. L'histoire nous montre que chaque fois qu'il y a un conflit, le Burundi, ce n'est pas un pays qui a vocation d'être pauvre. Le Burundi, c'est un pays riche. En regardant notre situation en face, nous n'avons pas d'autre choix que de nous réconcilier et pour marcher ensemble vers un meilleur avenir, une société qui est caractérisée par le bien-être de chacun. Vous avez dit que la paix n'est pas possible au Burundi du moment que bon nombre de la population burundaise repousse dans la misère et une explication à cela. Effectivement, l'une des raisons pour lesquelles on se bat, c'est pas parce qu'on a le plaisir de s'entretuer, et c'est parce qu'il y a des problèmes sociaux. Et vous allez constater quand vous allez visiter les chantiers. Et lorsque quelqu'un veut construire une maison, il commence par construire une clôture. Pourquoi? Parce que là-dedans, il y a des gens qui ont faim et qui aimeraient se servir sur ce chantier-là. Et une fois que chacun aura de quoi vivre décemment, alors ces murs vont tomber d'eux-mêmes. Si on pouvait parvenir à nourrir tous les Burundais, à parvenir à un moment où chaque Burundais peut amener ses enfants à l'école, à se faire soigner, alors à ce moment-là, on n'aura pas besoin de murs. Un leadership digne de son nom et la résolution pacifique des conflits sont des piliers du développement intégral. C'est l'analyse faite par la synergie des partenaires pour la promotion des droits de la femme après une formation de 2 jours à Lumonge à l'endroit des participants dans la promotion de la paix dans les communes de la province Lumonge, une province où abondent les conflits fonciers et familiaux selon les participants dans cette formation. Les bénéficiaires de cette formation l'estiment opportune. Le point avec Jean-Pierre Misago. Selon Léonie, l'une des participants dans cette formation, les conflits fonciers et familiaux sont nombreux en province Lumonge. Et cela handicape, selon elle, le développement des ménages et partant de la colline, jusqu'au niveau national. Pour cet autre participant, c'est une formation qui lui permettra d'améliorer sa façon d'agir. Je vais utiliser là où je travaille, dans la société, dans mes entourages. Donc, ça m'aidera d'être un bon leader. Euphrasie, une autre participante, dit que lorsque le leadership boite et que les conflits sont nombreux, le développement qui trouve ses bases dans le ménage devient quasi impossible. De son côté, Godans Ndayorere, membre de la synergie des partenaires pour la promotion des droits de la femme, une synergie qui a organisé cette formation, espère que l'effectif des conflits ira en diminuant avec cette formation. Nous attendons qu'après la formation, que les conflits soient réduits. Nous attendons quand même un changement de comportement de la part de ces leaders, parce que nous avons échangé sur les qualités d'un leader, et nous attendons quand même qu'il y ait un changement dans le sens de la gestion pacifique de conflits, dans le sens de la paix. C'est une formation qui commence par la province de Rumonge, nouvellement créée, avec plusieurs conflits fonciers et violences basées sur le genre. On regarde son passé et de sa situation géographique, mais c'est une formation qui devrait s'étendre dans d'autres provinces du Burundi, comme le dit son membre de la SPPDF, Jean-Pierre Misago, depuis Rumonge, Radio Isanganiro. Page sportive avant de mettre fin à ce journal. 4 milliards de francs bouts, tel est le montant nécessaire pour finaliser les travaux de construction des centres sportifs et de l'entraînement sportif qualifié de haut niveau qui sera érigé en commune Mugamba de la province Bururi, annonce ce samedi d'Henri Wakumbanya, vice-président du comité national olympique lors du lancement officiel de la construction de ce centre. Le chef de l'État, qui a posé la première pierre dans ce centre, a demandé aux responsables de ce centre de bien entretenir ce lieu d'intérêt public. Le numéro 1, Burundi Evariste Ndayishimiye, appelle Burundi à aimer le sport du fait qu'il joue un grand rôle dans le processus de la consolidation de la paix. Et c'est par ici que nous mettons un point final à ce journal. Dans quelques secondes, vous aurez droit à la revue de la presse. Revue de la presse. Bonjour, bonsoir, selon votre zone d'écoute. Plus de 500 000 emplois projetés d'ici 2025, titre le journal Burundi Echo, qui rapporte ainsi la séance de validation du plan d'action national pour l'emploi des jeunes. Sous l'égide du Premier ministre de la République du Burundi, Alain Guillaume Ebunyoni, c'était mardi le 22 juin 2021. En effet, précise notre confrère, il s'agit exactement de 545 456 emplois projetés à être créés d'ici 2025, moyennant le coût de la mise en œuvre estimé à plus de 160 milliards de francs burundais. Sont visés les jeunes âgés de 18 ans à 35 ans. Le document a été élaboré dans le but de permettre à chaque jeune burundais d'obtenir des facilités d'accès à un emploi décent, générateur de revenus, souligne encore son confrère. L'agence burundaise de presse a de son côté retenu la remarque du Premier ministre Alain Guillaume Ebunyoni, qui a déclaré qu'une jeunesse non occupée est une arme à double tranchant qui peut constituer un danger permanent pour la stabilité et la paix sociale si elle n'est pas bien gérée. Toutefois, rapporte toujours son confrère, le Premier ministre estime que la jeunesse est un levier de la croissance économique incontournable qu'il faut activer au profit d'un développement durable. Une course à la montre pour les préparatifs à l'examen d'État, écrit la voix de l'enseignant. Après l'annonce des résultats de fin d'année pour les classes terminales, les élèves se préparent avec assiduité, de peur d'échouer car le ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique a déjà annoncé que la note obtenue en classe ne sera plus additionnée à celle obtenue à l'examen d'État, révèle son confrère qui détaille une série de stratégies mises en place pour se préparer à cet examen national. En effet, écrit la voix de l'enseignant, les professeurs sont toujours à la disposition des élèves pour les aider à faire les exercices. Dans certaines écoles, les uns payent pour les cours du soir et d'autres d'autres travaillent en groupe. Il remercie le ministère de tutelle pour leur avoir donné des épreuves types et des responsables scolaires se disent satisfaits de ce travail, chose qui n'était pas observable dans les années passées, car certains élèves comptaient beaucoup sur la note de classe, surtout pour les écoles privées. Cet hebdomadaire de l'éducation fait également remarquer que les élèves internes sont gardés pour la révision, bien qu'ils aient terminé l'année, malgré les consommations non prévues. Revue de la presse. La Brahoudi silencieuse face à la pénurie de ses boissons, s'indigne le journal Iwachu. Alors que la production de la Brahoudi continue d'augmenter au fil des années, la pénurie de ses produits persiste dans tous les quartiers de Bujumbura et même à l'intérieur du pays. Au grand dam des consommateurs, note cet hebdomadaire. La pénurie est vraiment criante. Quand on a revu à la hausse les prix dernièrement, on croyait que les boissons n'allaient plus manquer, mais le problème a persisté. Regrette dans les colonnes du journal Iwachu, Pierre Ndouayo, président de l'association burundaise des consommateurs à Buko. Mais qu'est-ce qui explique cette baisse de production de la Brahoudi, s'interroge notre confrère. Certains évoquent une pénurie des matières premières utilisées pour fabriquer les différents produits. Interrogé, Rémi Ndaichi Mie, chargé de la communication au sein de la Brahoudi, n'a pas souhaité s'exprimer. Vous pouvez aller dire que j'ai préféré ne rien dire sur ces questions, que je n'ai pas voulu m'exprimer, a été la réponse sèche de Rémi Daishimie à Iwachu. Et un fan de la Moustère au comptoir d'un bar après une commande de sa bière préférée, heureusement disponible ce jour, de lâcher, toujours dans les colonnes de cet hebdomadaire, ce n'est plus un porte-parole, mais un porte-mutisme de la Brahoudi. Poubelle publique, l'envers du décor, titre en blogueur Yaga. Plus de 6 mois que des poubelles publiques ont été installées un peu partout au centre-ville. Mais, regrette ce confrère, les déchets jonchent encore les routes et les caniveaux. Curieusement, il y en a même juste à côté de ces poubelles, regrette encore ce blogueur d'Oyaga, qui prévient que des sanctions pourraient bientôt être infligées aux récalcitrants. Ainsi se referme cette revue de presse préparée et présentée par Francine Ndeokubgayo et Jean Bosco Ndouimana. Restez branchés sur nos ondes. Revue de la presse.